السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الحمد لله، ومرسي الله سبحانه وتعالى d'être parmi vous et de continuer l'explication de la partie de Tabarak, donc juste Tabarak. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes toujours à Sourate Al-Qalam, l'explication de Sourate Al-Qalam. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va essayer de finir cette grande et cette immense Sourate. Donc on continue Inch'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْذُومٌ. Donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il oriente son messager à patienter face au préjudice et au mal des mécréants et des associateurs, car il va certes faire face à cela, mais le soulagement est proche et la bonne fin sera pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala ici lui ordonne, il lui dit, en la traduction approximative: endure avec patience la sentence de ton Seigneur et ne sois pas comme l'homme au poisson qui appela dans sa grande angoisse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans une autre sourate, dans sourate Taha, verset 130: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la traduction approximative: supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit, et exalte sa gloire aux extrémités du jour. Peut-être auras-tu satisfaction. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de patienter. Et ceci avant que le jihad, c'est-à-dire le combat dans le sentier d'Allah, soit ordonné au messager sallallahu alayhi wa sallam. Car quand il était à la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager de transmettre le message seulement et d'appeler les gens à Allah, au tawhid. Et le jihad, le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été ordonné qu'après l'émigration à Médine. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui ordonne de patienter. Il lui dit: وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. Et ne sois pas comme l'homme au poisson. C'est-à-dire ici le prophète d'Allah Yunus alayhi salam, Yunus ibn Matta, Et Younous alayhi salam, on va voir un peu son histoire, inshallah ta'ala, en résumé bien sûr, comme il est rapporté dans l'explication d'Ibn Kathir et d'autres. Younous alayhi salam, lorsqu'il appela son peuple à adorer Allah seul sans rien lui associer, son peuple lui porta préjudice et ne répondit pas à son appel. Et le châtiment de la colère n'est pas descendu sur eux directement. Donc Younous, alayhi salam, ne patienta pas. Il ne patienta pas. Il fut alors irrité, en colère, et monta sur le bateau. Comme il est venu dans l'histoire, hein, lorsque Younous quitta son peuple, il embarqua sur un bateau et prit la mer. Et quelques heures après avoir pris le bateau, une tempête se leva et secoua violemment le bateau, très chargé, car le bateau il était très chargé, qui faillit couler à plusieurs reprises. Et lorsque le bateau il s'est alourdi, alors au point qu'il faillit tous se noyer, les gens décidèrent alors de tirer au sort. Ils décidèrent de tirer au sort celui qui sera jeté à la mer pour alléger le poids du bateau. Pour alléger le poids du bateau. Ils firent la première tentative. Et c'est Younous alayhi salam qui fut désigné par le tirage. Mais ne voulant pas le jeter à la mer, ils firent une deuxième tentative. Mais ce fut une nouvelle fois lui qui fut désigné. Mais lorsqu'il s'apprêta alors à le jeter, d'autres l'empêchèrent et refirent l'opération une troisième fois. Mais cette fois encore, ce fut lui qui s'est désigné par le sort. Et ceci par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la traduction approximative, Younous était certes du nombre des messagers. Quand il s'enfuit vers le bateau comble, il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté à la mer. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. Donc une fois qu'ils l'ont jeté à la mer, Younous alayhi salam fut avalé par un grand poisson. Et cela était un test et une épreuve qui venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate l'Iran, verset 142, « Faltaqamahu al-hut wa huwa mulim » Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. Et lorsqu'il fut avalé par le poisson, la tristesse le toucha, alors qu'il était dans le ventre du poisson. Il se réfugia alors vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah a dit dans sourate les prophètes, verset 87, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Et Younous, c'est-à-dire Younous, alayhi salam, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Fin du verset. Il appela Allah subhanahu wa ta'ala par cette parole d'unicité, cette immense parole. La ilaha illa ant. Pas de divinité à part toi. Subhanak, pureté à toi. Inni kuntu min al-zalimin. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, c'est-à-dire, s'il n'avait pas été parmi ceux qui prient en temps d'aisance, Allah dit, la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé. car il était auparavant obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala en temps d'aisance. Et il était parmi les prieurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala le sauva. Et cela nous pousse, qu'Allah vous préserve, à être obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations. Que ça soit dans les moments d'aisance ou dans les moments de difficulté. Car dans les moments de difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera et te donnera son secours. Comme il est venu dans le hadith authentique. Vous connaissez tous ce hadith, il est rapporté dans les 40 hadiths de Nawawi, rahimahullah ta'ala. Il dit dans une version, ta'arraf ilallahi fir raha, connais Allah subhanahu wa ta'ala dans l'aisance. Allah te connaîtra dans la difficulté. On va bien expliquer ici la parole. Allah te connaîtra dans la difficulté. C'est-à-dire ici le sens du hadith comme rapporte le grand savant Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, le sens du hadith c'est que si la personne obéit à Allah subhanahu wa ta'ala dans la situation d'aisance, dans la situation où il y a la santé et la richesse, et ceci est la condition, alors lorsque la difficulté viendra, et que la maladie viendra ou la pauvreté, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera et te viendra en aide et fera disparaître la difficulté. Car tu étais certes dans les moments d'aisance, dans les moments de bonne santé et de richesse, tu étais parmi les obéissants, parmi les pieux et les prieurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera dans les moments de difficulté. Comme a fait Yunus alayhi salam. Et d'ailleurs, il fait partie de la sunna, lors des moments de difficulté, de dire cette immense parole. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Et ici, quand il dit min al-zalimin, c'est-à-dire, quand il dit ici les ténèbres, quand il était dans les ténèbres, ici, comme disent les salafs, et méditez sur cela, barakallahu fikum, c'est l'obscurité de la nuit, les ténèbres de la nuit, les ténèbres, l'obscurité de la mer et aussi l'obscurité du ventre du poisson. Imaginez-vous, les trois formes d'obscurité. De la nuit, l'obscurité de la mer et l'obscurité du ventre du poisson. Et les vagues au-dessus de lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a entendu son appel au-dessus des sept cieux. Et il lui a répondu. Allah subhanahu wa ta'ala par la suite a jeté le poisson dans Al-Ara, c'est-à-dire la terre vaste, une terre déserte, sans végétation, sans rien. Il avait la peau déchirée, Yunus alayhi salam. Il souffrait et il avait même des blessures. Il était même malade. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a comblé de ses bienfaits. Il lui a fait pousser un arbre de courge afin de le protéger. De le protéger de quoi? Des mouches, par exemple. Et le mettre à l'ombre par cet arbre. Afin de le nourrir jusqu'à ce que sa peau se parfaite et se purifie et se rétablit. Une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala a été doux envers lui. Et lui a pardonné jusqu'à ce qu'il guérisse. Et a accepté de lui son repentir de ce qui s'était passé auparavant. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la suite لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ. Si un bienfait de ton Seigneur ne l'avait pas atteint, il aurait été rejeté au nid sur une terre déserte. C'est-à-dire, il aurait été jeté sur une terre vide, sans rien, sans végétation. Il aurait été jeté alors qu'il est blâmable. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a couvert de sa miséricorde. Il l'a jeté alors qu'il était louable. Sur cette terre déserte. Et la situation de Yunus alayhi salam était meilleure que celle qu'il avait auparavant. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, فَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Puis son Seigneur l'élut et le désigna au nombre de gens, au nombre des gens de bien. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi, il l'a élu en tant que prophète. Il le désigna au nombre des gens pieux. En lui donnant quoi? Un haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens pieux, c'est-à-dire dans leurs œuvres, dans leurs paroles, dans leurs intentions et dans leur situation. Et Younous alayhi salam, après s'être rétabli, ensuite il retourna vers son peuple afin de les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont donc soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, son peuple. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate As-Saffat, versets 147 et 148, وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ. Et l'envoyâmes ensuite, c'est-à-dire comme prophète, vers 100 000 hommes ou plus. Ils crurent et nous leur donnâmes jouissance de la vie pour un temps. Donc voici mes frères, en quelques mots, l'histoire du prophète Younous alayhi salam. Et pour celui qui veut revenir en détail, qu'il revienne à l'explication d'Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et il y a certes des leçons à tirer pour les doués d'intelligence. C'est aussi une leçon pour ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les prédicateurs. Il y a une incitation à ne pas être impatient dans la da'wah. Ne pas être impatient face à leur peuple ou face aux gens qui refusent d'accepter. Ne jamais désespérer et s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et l'invoquer en cas de difficulté, comme a fait Younous alayhi salam. Donc c'est une leçon pour les doués d'intelligence. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donc ordonné à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de patienter. Fasbir li hukm rabbik. Et de ne pas faire comme a fait Younous, car sinon il va l'éprouver comme il s'est produit avec Younous alayhi wa sallam. Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a certes obéi à l'ordre d'Allah et fit preuve de patience au décret d'Allah. Une patience que nul autre dans l'univers ne peut atteindre. Allah subhanahu wa ta'ala lui donna alors la bonne fin. Car la bonne fin appartient aux pieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, en montrant l'état des associateurs, la situation des associateurs et des mécréants avec le messager d'Allah, lorsqu'ils entendent le Coran, ils le jettent par leur regard de colère, et de haine et de rancune. Et ils disent, il est certes fou. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Peu s'en faut que ceux qui m'écroient ne te transpercent par leur regard quand ils entendent le Coran, ils disent, il est certes fou. C'est-à-dire qu'ils ne te fassent tomber avec leur regard. C'est leur objectif. Par leur dure colère envers toi. Ils veulent te toucher avec leur regard. Ils veulent te faire du mauvais œil de par leur jalousie et leur haine envers toi. Mais ils n'ont pas pu lui faire du tort physique. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé, l'a protégé et l'a secouru. Mais quant aux torts verbaux, ils l'ont accusé de tout ce que leur cœur leur inspirait. Ils disaient des fois qu'il était fou, des fois qu'il était poète, et même des fois qu'il était un sorcier. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Et ce n'est qu'un rappel adressé au monde. C'est-à-dire ce noble Coran et cette sage exhortation n'est qu'un rappel pour l'univers, les djinns et les êtres humains. Afin qu'ils se rappellent par ce Coran les intérêts religieux et mondains. Et ne pensez pas que les torts des mécréants envers le Coran et le messager s'est terminé avec les premiers mécréants. Bien au contraire, ceci est continuel, ceci est constant jusqu'au jour du jugement. Comme ça agiront les mécréants, les associateurs. Ils regardent le Coran d'un regard d'ignominie, de rancune. Ils méprisent le Coran ainsi que le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Hajj, le pèlerinage, verset 72. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْتُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, tu discerneras la réprobation sur leur visage de ceux qui ont mécru. Peu s'en faut qu'ils ne se jettent sur ceux qui leur récitent nos versets. Dis, vous informerai-je de quelque chose de plus terrible? Le feu, Allah l'a promis à ceux qui ont mécru, et quel triste devenir. Fin du verset. Voici leur position, la position des mécréants et des associateurs, envers le Coran et envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et jusqu'au jour du jugement. Et ce qu'Allah a mentionné au début de cette sourate, sourate al-Qalam, cette noble sourate immense, il le mentionne aussi à la fin, que les mécréants ont décrit le messager de cette façon, afin de le mépriser et de le rabaisser. Dans quel but? Dans le but de repousser les gens et de les faire fuir du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que cela nuit au messager sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que cela nuit au Coran? Abadan, la réponse est jamais. Ils se font du tort à eux-mêmes et ils se privent du bien dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et peut-être qu'ils nuisent même ceux qui se font tromper par eux et ceux qui les croient. Et ils les éprouvent. Mais les croyants, alhamdoulillah, les croyants véridiques, cela ne leur nuit pas, ne leur porte pas préjudice, mais bien au contraire. Cela ne fait qu'augmenter leur foi au messager. Cela ne fait qu'augmenter leur foi au messager et au Coran. Et lorsque le musulman et la musulmane lit le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus véridique des paroles, il voit très bien et très clairement la position des mécréants et des associateurs face à cette invitation à Allah subhanahu wa ta'ala, face à cette da'wah. Mais les musulmans sont apaisés, sont tranquilles, dans le fait que leur stratégie aux mécréants et aux associateurs n'a aucun impact et n'a ni d'influence sur la vérité. Mais bien au contraire, les préjudices et les mauvaises conséquences se retourne contre eux. Et la louange et la grâce appartiennent seuls à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alhamdulillah, à travers ces quelques paroles dans l'explication de Sourate al-Qalam, on a fini, la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, l'explication de cette noble sourate et de cette immense sourate. Et comme nous l'avons déjà mentionné à plusieurs reprises, le Coran, il a été descendu non seulement pour le méditer, pour le lire avec méditation, mais il y a des leçons à tirer, des exhortations. Et le plus important, inshallah ta'ala, de le pratiquer, de le mettre en pratique. Car le Coran est soit une preuve pour toi ou soit une preuve contre toi. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux dont le Coran est une preuve pour eux. Amin. Donc on a fini, alhamdulillah, cette sourate et on continuera, inshallah ta'ala, la semaine prochaine. On commencera sourate al-haqqa. Barakallahu fikum wa jazakum khayra. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.